Audiomatique. lancé le projet portugais Baladium qui lançait la transmission 583 d'Audiomatique grâce à sa composition Andromeda. Il est possible de trouver celle-ci sur la compilation Rock Rendez-vous Musica Moderna Portuguesa qui fait ressortir des pièces composées en 1985 et 1986 par des projets musicaux du Portugal. Et maintenant, c'est au tour du projet allemand A Party d'assurer la continuité à Audiomatique. inside. Nous avions droit à Audiomatic Audio allemand Howling de son deuxième album Color, paru en 2020. Nous vous avons présenté la pièce Body Inside. Et en amorce de séquence, il s'agissait du projet allemand A Party, du mini-album Issues, paru le 21 mars 2025. Nous entendions la pièce With Your Body. Et c'est maintenant la formation de Tiergarten qui remplit l'espace sonore d'Audiomatic. face pathetic flaws. Again, despite the war, this never-ending bloody war. Audiomatique, nous venons d'entendre la formation suédoise Hönninggarna, qui actualise la musique folklorique nordique en lui donnant une teinte sonore contemporaine. De l'album Tress, publié en 1994, nous avons écouté la pièce Raven. Avant Hönninggarna, nous nous laissions transporter par la pièce Analog Cave, issue d'une collaboration au sein de laquelle se mélange la musique synthétique de l'artiste Steve Roach et le son guttural de Soraya, pseudonyme du vocaliste Enrique Ulgade, qui s'inspire dans sa création artistique du chant de gorge mongolien. Cette étonnante collaboration a donné lieu à l'album Curandero, publié en novembre 2025. Et pour amorcer cette séquence musicale, nous écoutions le projet de Tiergarten, qui aujourd'hui s'exprime par le duo regroupant Kevin Key et Edward K. Spell. La pièce War Crier apparaît sur la plus récente parution de Tiergarten, l'album Astral Elevator, sorti en octobre 2025. Audiomatique se poursuit maintenant avec le projet lituanien Ten Walls. me. Zero smaller size, only with a hole in my body, I feel alive. Kill the shape of me. Zero smaller size, only with a hole in my body, I feel alive. Kill the shape of me. Zero smaller size. Audiomatique, c'était la formation autrichienne HVOB, acronyme pour Her Voice Over Boys, de son cinquième album intitulé Too, qui s'orthographie T-O-O et qui est sorti en 2022. Nous avons diffusé la chanson Gluttony. Tout juste avant, nous vous avons offert le projet lituanien Ten Walls, extraite de son premier album Queen, lancé en 2017. Vous avez entendu la pièce When Muses Return. Cette transmission d'Audiomatique se conclura sur la collaboration entre les artistes péruviens Ignacio Briceño et Aleop, pseudonyme d'Alejandra Cárdenas. De leur album conjoint The Way of Love, nous allons écouter la pièce Advertencia, qui se construit autour d'un échantillonnage lyrique de l'écrivain William Burroughs. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique CFOU. Si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Ignacio Briceño et Aleop avec leur composition Advertencia. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Well, people sometimes ask me if I have any words of advice for young people. Never interfere in a boy and girl fight. Beware of the whores who say they don't want money. In the long run, these are the most expensive whores. Bloodless hand, cautious and slow, shiny over the dirt. Kid, it was tasty.